Pages arrachées au roman de Serge Rezvani. Le testament amoureux, extrait choisi et lu par Hugues Kester. Une lecture enregistrée en public le 13 octobre 2018 à l'Espace Cardin, Théâtre de la Ville. Aujourd'hui, je montais dans le 83 et venais m'asseoir près de Daniel pour ce voyage d'une vie ensemble. Dans ce dédale de pages dont le dessin m'apparaît capricieux, j'ai tenté de parler de cette fraction de temps qu'encerclent les lèvres de celui qui du J au E prononce « je t'aime ». Quelques secondes. Ou 30 ans pour prononcer ce délicieux vocable. Qu'importe, ivre de mon amour, les temps de ce livre oscillent autour de ce « je t'aime » éternel. Penché sur ces pages, je poursuis par l'écriture une femme qui se dérobe à la grille de mes phrases. Combien il m'a été facile de parler du reste. Mais elle, près de moi, je ne sais comment la dire. Il me faudrait l'inventer par la seule imagination romanesque. L'oublier, elle. En quelque sorte, la laisser au seuil de cette pièce où j'écris. Et la recréer avec de l'encre et du papier, jusqu'en ses moindres détails, pour sans cesse y revenir. Comme si à chaque instant de l'écriture, je me trouvais sur le point de perdre la créature de mon imagination et ainsi, par de constants rajouts, me maintenir en haleine en tentant d'écrire cette fois sans romancer, profitant, si l'on veut, du recul de la cinquantaine pour dégager le dessin général de ma vie. Je m'aperçois qu'en tout ce qui touche Daniel, je ne peux me mettre suffisamment en retrait pour la restituer, l'objectiver, ou si l'on préfère, j'ai 50 ans pour le reste, mais avec elle j'en suis encore à ma vingtaine de chair. Je suis plongé dans la réalité des sens. Je la désire, je la goûte, dirais-je, à chaque instant de l'existence, avec une sorte d'incrédulité angoissée. Elle est vraie, me dis-je, 100 fois par jour, en l'entendant, en la voyant, en la sachant à portée de moi. Souvent, nous nous étonnons en riant de notre préférence réciproque qui nous tient depuis des milliers de jours exclusivement l'un à l'autre. Nous venons de nous rencontrer, nous nous connaissons à peine et nous demandons à la vie de nous laisser encore un peu de temps pour nous connaître. Ce sentiment de danger, cette conscience de n'avoir pas eu encore le temps, voilà une vie que nous les vivons. Cette nuit, une prodigieuse bouffée de reconnaissance m'a poussé à la serrer contre moi. Mon amour, lui ai-je dit, mon amour. Et elle a balbutié comme en écho, mon amour. Et je me suis rendu compte que je la remerciais lèvre à lèvre d'être elle. Elle, telle qu'elle est. Oui, du fond de mon être, je l'avais remerciée d'être ma complice en folie. Car je me sais fou à en mourir sans elle. Elle avait jeté ses bras autour de mon cou. De ce geste spontané, profondément juvénile, jaillit d'un délicieux fond de gaieté qui jamais ne s'endort en elle. Et elle s'était mise à rire en frottant ses jambes contre mes jambes. Dans le noir, alors, nous avons longuement bavardé. Et ce n'est que vers les 4 heures du matin que nous nous sommes endormis. Pendant tout le temps de ce babillement nocturne, il me semblait être encore rue de Babylone, dans l'appartement des Arnal, réunis pour la première fois entre des draps, dans la nudité de nos jambes mêlées. Depuis que j'ai abordé le cœur de ce livre, je ne cesse de rêver de Daniel. Elle me quitte, nous nous cherchons, dans des villes incertaines. Je suis déchiré du malheur de la voir s'éloigner. et je cours dans des ruelles inconnues, espérant par certains raccourcis qu'il me semble connaître tomber sur elle. Mais déjà nous roulons à vive allure dans une voiture sans volant, dont le pare-brise est obstrué, et je me réveille avec la fondante surprise de son ventre sous ma main que je caresse comme une bête assoupie dans sa béatitude. « Je vis sa vie, me dis-je. » Elle respire à petits coups rapides. Ses mains bougent contre ma poitrine comme des mains d'enfant. Elle rêve, me dis-je, et commence alors à tourner la roue des pages écrites et à écrire. Sorte de loterie dans laquelle je tente de repêcher les images, les paroles, les moments. Nous écrivons sous la dictée de cette part inconnue de nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'au moment de nous mettre à table, aux aveux, nous nous sentons pris de faiblesse. Que va-t-il encore sortir de moi ? Ainsi, chaque matin, je me pose la question, comment tout ça va-t-il s'écrire ? Pourtant, je sais dans quelle direction cette armée de mots avance. Je suis rempli de murmures en suspens, et soudain, comme le fameux dégel des voix du vieux Rabelais, les phrases commencent à s'articuler, à vivre une vie autonome dont je ne suis que le scribe critique et vigilant. Les heures passent, je suis à ma table. Des bûches ont roulé hors de la cheminée, des serpents de fumée dérivent à travers la pièce. J'ai froid, mais il ne m'est pas possible d'aller tisonner le feu. Je suis au désespoir. Ici le rôle troublant de Daniel, elle lira ses pages. Elles lui sont en premier lieu adressées. Et par réflexion à travers sa sensibilité, je devinerai quelle part d'écriture nocturne sera passée sur ce papier. La première fois que Daniel vint dans ma chambre de la rue du Cirque, elle repartit avec les histoires extraordinaires. Et pendant les quelques heures qu'elle resta auprès de moi ce premier jour, je me souviens sur mon vieux phono à manivelle de lui avoir donné le 13e quatuor de Beethoven, qui de ce moment lui fut dédié à vie, et que hier soir encore nous avons écouté, doublé pour nous par son immense charge de rappel émotionnel. Le lendemain, elle m'apportait « Le cœur est un chasseur solitaire ». Et ainsi, jour après jour, à travers Faulkner ou Stendhal, ou D.H. Lawrence, et longtemps plus tard Malcolm Lowry, combien de fois nous sommes-nous retrouvés bien avant dans la nuit, ivres d'avoir parlé, un doigt encore passé entre les pages d'un livre à demi refermé. Certains auteurs furent aimés jusqu'à la déraison, d'autres aimés par l'un, et moins aimé par l'autre. Certains livres furent coupés en deux, Lumière d'août par exemple, de sorte que nos lectures puissent se chevaucher dans une même émotion. Avant de me mettre à écrire, il m'était souvent arrivé de poser à mes amis écrivains des questions naïves à propos du temps dans l'écriture. Les contractions et les décontractions du temps à l'intérieur même des phrases m'intriguaient. Mes questions les embarrassaient. Venant d'un peintre, elles étaient cependant naturelles, puisque le tableau prétend se situer hors de la durée, ou si on préfère, il en serait un fragment devenu éternel. Raymond Queneau venait de nous envoyer « Les fleurs bleues » ou « Les questions d'un duc d'Auge », dont on suit les réapparitions de 175 ans en 175 ans. Nous étions en mai ou juin 1965. Raymond et Janine, sa femme, venaient fréquemment nous voir lorsqu'ils séjournaient à Gigaro, dans la maison des Gallimard. Nous les aimions, eux aussi nous aimaient, et je pense que nous étions pour une grande part dans le choix de ces séjours dans le Midi. Raymond m'avait acheté plusieurs toiles. Il fut l'un de ceux avec Alain Jouffroy et François Truffaut qui m'encouragèrent à écrire. Lorsque je lui posais ce genre de questions sur l'écriture, Raymond jetait aussitôt un rapide regard par-dessus son épaule comme pour s'assurer d'une possible retraite. Et il avait ce rire flanchant, embarrassé, presque mourant d'où émergeait sa voix que l'on aurait dit de cordes de violoncelle raclées. Les aigus et les graves s'y mêlaient dans des déraillements tragiques, des hoquets, des geignements, des dissonances à la Webern. Oh, le temps, le temps. Et faute de réponse, il sanglotait une sorte de gloussement de dindon. Depuis quelques années, je composais pour notre plaisir et celui de nos amis des chansons. que tout le monde autour de nous avait fini par connaître par cœur. Un jour, Jean, qui en était enthousiaste et qui les savait même mieux que moi, on avait chanté quelques-unes à François Truffaut. François fut séduit et me demanda si j'accepterais que Jeanne interprète le tourbillon dans le film qu'il préparait à l'époque. Nous avions revu Jeanne avec Jean de temps à autre pendant ces dernières années, et bien sûr, je n'avais pas hésité à me lancer dans cette sorte de pari amical sur un succès possible. Comme Truffaut aimait ma façon sauvage, pour ne pas dire maladroite, de jouer de la guitare, il souhaita me donner un rôle dans son film pour que j'accompagne Jeanne. J'acceptai, amusé de participer à cette entreprise collective où même Daniel devait aussi apparaître. Ce film m'avait momentanément dévoyé de la peinture. Nous passions, Daniel et moi, nos journées à attendre que Truffaut finisse de tourner les séquences dans lesquelles je figurais avec ma guitare. Je ne m'appartenais plus. J'avais accepté d'être l'objet d'un cinéaste qui m'utilisait selon le plan de travail de l'équipe et les trous dans le brouillard. J'en souffrais depuis le début du tournage, bien que François, me sentant rétif, eût tout fait pour me rendre le moins désagréable possible cette épreuve. Mais malgré l'ambiance amicale de ce travail, je ressentais une inavouable angoisse de me trouver fondu dans un groupe. Avec quelle impatience j'attendais de pouvoir me sauver vers nos solitudes. Par malheur, un épais brouillard s'était abattu sur l'Alsace, gommant pendant près de 15 jours les paysages où Truffaut devait tourner certaines séquences de son film. L'équipe entière attendait dans le chalet que la brume s'entrouvre un peu. Dès que nous le pouvions, nous nous évadions, Daniel et moi, pour faire de grandes promenades dans cette sorte d'éponge où on n'y voyait pas à 3 mètres. Et c'est sans enthousiasme que nous revenions, les habits trempés, nous enfermés dans le chalet enfumé. Les uns après les autres, les plans d'intérieur avaient été épuisés, maintenant tout le monde guettait les éclaircies. Il y avait bien là une 30aine de personnes entassées dans l'étroite maisonnette de bois. L'ange exterminateur nous avait paralysés sur un ballon d'Alsace. Les sapins émergeaient par moments entre les déchirures de brume, puis presque aussitôt le cocon humide se refermait, et il fallait se résoudre à l'interminable attente. Plusieurs fois, je fus sur le point de m'enfuir en voiture, mais Daniel, qui pourtant souffrait autant que moi de cette attente, m'en empêcha en se moquant de mes airs dramatiques. Et je restais, regrettant de m'être laissé prendre au piège de cette éphémère communauté. De nous tous, Jeanne, que les techniciens nommaient la Moreau, semblait la mieux armée pour cette sorte de veillée funèbre. Elle jouait là son rôle le plus soigné, celui de la comédienne simple. Jeanne dans le hiatus, Jeanne hors du champ de la caméra, Jeanne ayant le mot gentil pour chacun, Jeanne si patiente, Jeanne si modeste, la Moreau régnant sur son petit monde avec une bienveillance suave où chacun devenait mon petit ou ma petite Truffe, mon petit Serge, ma petite Daniel, ma petite Flo, mon petit Werner, etc. Même les plus rétifs, comme le désagréable Coutard, mon petit Coutard, se trouvaient malgré eux enrôlés dans cette sorte de cour. Le désœuvrement rendait tout le monde amorphe et apparemment consentant, et chacun, à la fin, avait un rôle bien défini dans ce petit royaume des brouillards. À tout moment, Jeanne me demandait « Mon petit Serge, chante-moi une chanson, dis, tu veux ?» Et je prenais ma guitare avec la curieuse impression d'être asservi, là où pourtant, habituellement, avec mes amis, j'avais toujours eu la sensation d'une communion dans le rire et le chant partagé. Peu à peu, Jeanne avait fini par savoir la plupart de mes chansons par cœur. Après le film, « Je veux toutes les enregistrer. Elles sont à moi », disait-elle, avec une gourmandise possessive. Et de ce moment, elle commençait à dire « Mes chansons ». L'équipe entière chantait le tourbillon, ainsi que la plupart de mes autres airs, et chacun me prédisait un immense succès dès la sortie du film, ce qui, en effet, se réalisa. Au fond de moi, j'étais divisé. Je souhaitais que mes ritournelles marchent et en même temps, je le craignais. J'avoue qu'en vérité, je ne voyais là qu'un moyen facile de gagner assez d'argent pour aller vivre comme bon il nous semblait. Encore une fois, je raisonnais à la façon de ces joueurs qui, au premier gain important, ramassent la liasse et se sauvent. Le coup fait, je tenais à disparaître. Et pour cela, pour m'assurer en quelque sorte l'impunité, j'avais été jusqu'à choisir un pseudonyme éloquent, Basiak, ce qui en russe signifie « vagabond ». C'était sur un mode ironique affirmer ma vocation marginale, mot devenu détestable aujourd'hui, mais qui, dans les années 60-65, signifiait encore. Enfin, le soleil réapparut et je tournais les derniers plans qui me concernaient. Nous étions assis dans l'herbe devant le chalet, Oscar Werner, Henri Serre et moi, et je disais cette phrase d'Apollinaire, « Mon Dieu, épargnez-moi les souffrances physiques, les souffrances morales, je m'en charge. » Sur ces mots terribles venant d'un trépané, je devais me lever et aller rejoindre Jeanne sur la terrasse du chalet, à environ 50 mètres. Ici se passa un petit incident qui me laissa une impression déplaisante. Au moment où j'allais faire mes derniers pas devant la caméra, François me prit à part pour me donner quelques directives. Il me montra le chemin exact qu'il me faudrait parcourir jusqu'à Jeanne, qui de son côté devait apparaître au loin sur le seuil du chalet. Soudain, je compris que François voulait en quelque sorte un peu me faire payer, comment le définir autrement, pour ma façon de me tenir à l'écart, pour le peu de plaisir que j'avais pris au tournage, pour ma hâte de repartir vers notre vie écartée, bref. Il m'avait dit à la façon d'un gamin qui fait une blague, arrivé à Jeanne, vous l'embrassez sur la bouche, et ensuite vous l'entraînez dans le chalet. Évidemment, ce baiser n'avait pas de sens à une telle distance de la caméra. Il n'en avait d'ailleurs pas été un seul instant question pendant les répétitions de ce plan. De me donner cette indication, pour ainsi dire, à l'inspiration, prenait ici une signification particulière. D'appuyer mes lèvres sur la bouche de quelqu'un ou sur sa joue, dans ces circonstances, revient en soi au même. Par ailleurs, je n'avais jamais ressenti le moindre attrait physique envers Jeanne, et cela ne pouvait être d'aucun trouble pour moi. Cette exigence de dernière minute m'énerva cependant contre Truffaut. En un éclair, je compris que par ce baiser de cinéma, qu'il prétendait me soutirer en fin de contrat, il voulait me dire à sa façon que l'exclusivité de l'amour que je portais à Daniel et sa réciprocité devaient s'effacer devant les réalités de la vie, et me montrer qu'ici, sur le plateau de Jules et Jim, il ne pouvait y avoir d'autre idéologie que celle du triangle. Peut-être, je fabule. Mais il me sembla alors que François voulait comme nous punir de notre amour égoïste à la façon de l'incorrigible gamin qu'il était. La caméra se mit à tourner, je m'en allais, ma guitare sur l'épaule, en direction du chalet. Je traversais la terrasse et arrivais à Jeanne, je lui effleurais la joue. Jeanne parut surprise et François me lança un regard insistant, mais il n'osa pas me faire recommencer le plan. Et nous en restâmes là. En refusant d'embrasser Jeanne, je m'étais placé hors de leurs critères. Je n'avais pas adhéré à la grande famille du cinéma. Ce séjour parmi la tribu des comédiens nous donnait plus que jamais le désir de poursuivre notre existence écartée, loin du regard des autres, dans cette île des morts que nous nous étions inventés. Quand pourrons-nous enfin partir vivre à la gare de Fresnay, disais-je, et peindre cette fois sans plus me soucier de rien? Je ne me doutais pas que sous peu les mots allaient remplacer pour moi les images. De tous les lieux où nous avions séjourné parmi ces collines, c'était sûrement le plus retiré, le plus paisible, et à la fois le plus civilisé. Depuis l'époque des Sarrasins, les générations qui s'y étaient succédées avaient fini par sculpter les trois vallons en jardin fortifié d'une architecture irrégulière de murs, d'escaliers tournants sous des arches inutiles, de successifs paliers ordonnés autour d'une source qui jaillissait directement du rocher dans une vasque souterraine. Des arbres plusieurs fois centenaires enserraient ce repli où l'on pouvait deviner à mi-hauteur une maisonnette à l'italienne, peinte de couleurs fruitées, ocre-orangée, lavée par les pluies, de vieux rosiers pompons, comme en plantaient jadis les paysans, s'accrochaient à la façade et s'enroulaient sur le tronc velu d'un palmier plus haut que la maison. Le long du chemin, trois vieux cyprès, signe de bienvenue, ajoutaient à l'italianité de ce lieu perdu dans la forêt. D'une terrasse à l'autre, des aloès et des yuccas se mélangeaient sans trop d'ordre aux romarins arborescents, aux roses trémières, aux mimosas, aux plaques miniers, aux poiriers, aux cerisiers et aux quelques pruniers depuis longtemps délaissés dont la présence témoignait d'anciens soucis d'utilité. Des hommes s'étaient nourris sur ce pli de terre, puis s'en étaient allés, et maintenant il ne restait que des cygnes qui, selon les saisons, se ravivaient ou se fanaient. Plus haut, recouvrant la colline, le cirque gradué d'une châtaigneraie aux arbres tourmentés ramassait la maison dans une courbe romantique d'une solennité hors de proportion avec sa modestie. La propriété portait un nom ridicule qui nous avait enchantés, la Béate. Aussitôt, nous l'avions louée. Ici, tout parlait à nos sens et à nos sentiments. Et je dois dire que sans le désir fou que nous avions de nous y ancrer, je n'aurais sans doute pas si facilement dit oui à Truffaut lorsqu'il me demanda ma chanson. Naïvement, je pensais qu'un coup comme celui-là nous rapporterait de quoi acheter cette terre. En vérité, il nous fallut des années pour la payer, et sans l'aide réunie de tous nos amis, jamais nous n'aurions pu réaliser ce rêve. Jusqu'au moment où la Béate nous appartint, je m'étais toujours senti totalement exposé. Il me semblait vivre à découvert, sans rien où m'adosser. À aucun moment, je pourrais dire depuis ma première lueur de conscience, à aucun moment l'angoisse d'être sans lieu ne m'avait quitté, à tel point qu'elle était devenue le lieu fixe sur lequel je me rassemblais. Cette angoisse de nulle part, j'en avais fait ma demeure. Et lorsque Daniel vint me rejoindre, c'est avant tout au sein de cette angoisse qu'elle pénétra avec cette extraordinaire force de vie qui la caractérise. Elle vint et elle se chargea de mes peurs. Elle se chargea de ce vide de mort laissé en moi par ma mère. Elle m'insuffla sa foi indestructible dans la vie et les manifestations sensuelles de la vie. Elle sut réveiller en moi l'amour de la vie et des élans que je n'avais jamais ressentis avant elle. C'était Pages arrachées au roman de Serge Rezvani. Le testament amoureux, extrait choisi et lu par Hugues Kester. Musique composée et interprétée par Olivier Longre. Une lecture enregistrée en public à l'Espace Cardin le 13 octobre 2018. Une coproduction France Culture et Le Théâtre de la Ville. Prise de son, montage et mixage, Hervé Dubreuil, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Baptiste Guiton. Le testament amoureux de Serge Rezvani est publié aux éditions Actes Sud dans la collection Thésaurus.